0-0-8. Là je m'exprime, frangin. Ok. Album, aube de vie. Écoute. Et c'est les lyrics qui passent par là. Sans tour de passe-passe, je suis sur les traces du rap parce qu'il est passé par là. Effectivement, moi je rappe ma vie sur des feuilles de riz suivies d'une mélodie qui m'a suivi dès mon aube de vie. Laisse-moi raconter. Toujours à côté, entre tisoir et des champis, moi je te dis laisse tomber. Et ouais, je pense chelou, je marche pas sur les sous. Une façon de vivre qui me distingue nettement de vous. Entre toi et moi, c'est sûr, y'a qu'une rempart. Qu'à part les mecs bizarres, personne ne chercherait à kebar. Ouais, encore ces jeunes avec les guns qui pensent qu'à se taper dessus. Moi je prends la rue à nu et tu vois, je pose dessus. Vas-y, pose ton cul, expose ton dû. Y'a que ça à faire, je suis déçu. Et la jeunesse déchue, décevante théorie. Le président pisse au lit, il anime les débats, prenne une mine au whisky. À que je raconte my life, le rap c'est ça. Non, comme le disait Aketo, sans détournement. Moi je mens pas, si je t'en parle. C'est que les blocs et les blagues sont frappés des côtes et des claques, mec. À ce jour, en recherche d'un emploi bien rémunéré, éméré dans ces terres de négligence, je chante que je vais louper ma chance. Chanceux quand même, parce que j'ai le sens du flou. J'enfile ma bouche et tout ce que tu veux, même mon cœur, mon temps pour les coups de blues. Plan de la France depuis mon aube de vie. Jeunesse en France depuis qu'à Sarkozy, c'est les X. Aube de vie, ouais, c'est Faki. Et c'est Faki qui passe par là, prenant le mic, détournant le rap en s'inspirant de sa life. Tu captes, pas de place aux novices, vois l'audace de lyrics. Bilan 2008, et là pas question de parler de fictif. Le rythme est notre allié, les rimes sont nos soldats. J'exprime la réalité, celle que les gens naïfs ne comprennent pas. Peut-être parce que les échelons de l'échelle sont trop hauts, n'arrivant pas à atteindre le niveau, pour eux c'est trop beau. S'il le faut, j'inventerai des mots qui ne sont pas dans le dico. Mais j'exprime le vrai en passant du stylo jusqu'au micro. Bilan décevant ou bien bilan étonnant, la vérité se trouve là où il n'y a pas de secret, tu comprends. Si souvent j'ai rêvé de me voir faire ce que je fais à l'instant. Putain de merde, n'ai-je pas réalisé ce qui me touche et tant. Depuis le temps que mes rimes débordent de mes sentiments, le bilan de ma vie est quasiment ancré dans le ciment. L'inspiration se mêlant dans mon sang, je me sens prêt, l'encre coulant sans arrêt pour qu'un moment devienne ancré. Peut-être que maintenant il est temps que je me laisse aller. Aussi longtemps que la terre pourra m'entendre, je continuerai. Peut-être qu'un jour le monde entier sera uni. Peut-être qu'un jour le bilan nous rendra bénis. Peut-être dans un jour, un mois, une vie. Bilan 2008, c'était Lyrix et Faki. Peut-être qu'un jour le monde entier sera uni. Peut-être qu'un jour le bilan nous rendra bénis. Peut-être dans un jour, un mois, une vie. Bilan 2008, c'était Lyrix et Faki. Peut-être qu'un jour le monde entier sera uni. Peut-être qu'un jour le bilan nous rendra bénis. Peut-être dans un jour, un mois, une vie. Bilan 2008, c'était Lyrix et Faki. Peut-être qu'un jour le monde entier sera uni. Peut-être qu'un jour le bilan nous rendra bénis. Peut-être dans un jour, un mois, une vie. Bilan 2008, c'était Lyrix et Faki, ouais.